Le porte-parole de la société de Liaoning de l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 21 mars une communication titrée « La victoire de la manifestation à la bougie contre Park Geun-hye et le départ de la transformation de la société de la Corée du Sud ». Il y a témoigné du soutien absolu à la population sud-coréenne de différents milieux qui engagent vigoureusement la lutte de masse pour une nouvelle politique, un nouveau régime et une nouvelle société du peuple.